brought to shame. It was never his intention to let you share his name. The lonely hours you've waited now won't happen anymore. For it's his turn to feel the hurt. He don't deserve you anymore. Let his eyes do the crying. Let his feet walk the floor. Let his heart do the breaking like he's let yours break before. Let his lips do the sighing. Let his heartache start the soul. Let his arms do the aching. He don't deserve you anymore. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Eh bien, bonjour à vous toutes et tous, c'est mon 13h passé de 30 minutes. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Voilà donc, juste à l'instant, on a pu entendre un morceau de country. C'est pas fini, juste là, on va en entendre un morceau juste après. Et après, on écoutera tout simplement Chausson, Alain Chausson. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et aussi très bonne matinée. Donc voilà, donc eh bien nous sommes ensemble pendant jusqu'à 16h avec quelques mélanges de chansons. Come at it.

96.2 La FM, la FM en couleur. Femme qui est tous en prière, qui travaille la terre et dans les champs. Femme qui vivait dans les villes, dans les ghettos, dans les îles, sous le vent. Femme vivant dans les montagnes, les déserts. Où tout le monde hurlait au vilain. un garnement. Te souviens-tu, mon vieux? C'était le bon vieux temps, le temps de nos printemps, passés en chahutant. Les temps ont bien changé, je ne sais plus où tu es. Je pense encore à toi, mon ami d'autrefois. J'y pense de moins en moins, car c'est déjà si loin. Cela ne sert à rien. Les temps ont bien changé, je ne sais plus où tu es. Les temps ont bien changé. Voici tout simplement les gangs avec adieu, bye bye, les Platters, c'est Only You. Darkness bright. Only you.

fait ça valait la peine. Lui c'était merveilleux. On en sait sur cette musique. On a fait l'amour sur cette musique. Oui, c'est la même chanson. Et la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson. C'est la même chanson. Ciel 96.2 La FM en couleur. 1, 2, 3, 4. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Donc à partir tout simplement de 17h, voilà, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Emmanuel avec l'émission Découverte, juste après avec Marika, avec Albino entre 19h jusqu'à 22h. Ainsi pour demain, seront samedi, et vous allez retrouver Christine entre 9h jusqu'à midi, pour tout simplement l'émission Portugal nous Corésien. Et puis ainsi pour le dimanche, à partir de 8h jusqu'à 10h, avec Antonio et Mathieu pour l'émission Carta, tout simplement l'émission Carta Golo. Voilà, donc juste après, c'est à vous de faire l'émission avec Jérôme, Katia et Lionel, entre tout simplement 10h, 12h30, le téléphone sonne. Et ainsi, vous pouvez me retrouver entre 13h30 jusqu'à 16h pour l'émission de l'accordéon. Je vous laisse avec Patricia Carli, arrête. Et puis juste après, François Hardy, il y aura aussi Petula Clark et Richard Anthony. Tout savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. La FM en couleur. Yeah, je m'en vais vers le soleil dans la train de nuit. Tout là-bas c'est le réveil dans la train de nuit. J'ai ma valise et mon billet pour le train de nuit. Je m'en vais, j'en ai assez. Assez de Paris. Oh oui, je suis sur le chemin du paradis dans le train de nuit. Le chef de gare est là, le voilà. Pour le train de nuit, c'est le départ. Oui, le départ. Dans le train de nuit, j'ai le cœur qui bat, bat, on s'en va. Dans le train de nuit, yeah, yeah. Le soleil dans le train de nuit. Tout là-bas c'est le réveil dans le train de nuit. J'ai laissé tous mes ennuis là-bas à Paris. Pour le soleil de mon midi dans le train de nuit. Oh oui, je suis sur le chemin du paradis dans le train de nuit. Tous mes amis, oui, m'attendront à mon train de nuit. Et puis aussi un grand garçon, l'amour de ma vie. J'ai le cœur qui bat, bat, qui bat pour lui. Dans le train de nuit, les bougies font bam, bam, bam, bam, bam. Dans le train de nuit, c'est la chanson. Bam, bam, bam, bam. Dans mon train de nuit, mon cœur fait bam, bam, bam, bam, bam, bam. Dans le train de nuit, yeah, yeah, yeah, oh. S'achève la romance, alors je n'aurai plus de chance. Heureusement que Richard Anthony avec Reviens-moi, et puis suivi de Johnny Hallyday, le pénitencier. Le blues, et puis le blues, en se rendant dans mes bras, bien d'autres filles que toi. Mais si tu penses à moi, ce que t'ennuies déjà, reviens-moi. Oh, pénitenciers bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Sa rêve de marier. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Où nous apprenions ensemble le bonheur. Oh, rappelle-toi, rappelle-toi, ce feu qui nous dévorait de mille joies. Le soleil de nos vacances brille encore dans mes yeux, comme il brillait sur le sable où nous étions seuls au monde, à tous les deux. Oh, rappelle-toi, rappelle-toi, ces mots que tu me disais dans ce temps-là. Mais tous les serment qui m'émerveillait se sont envolés avec l'été. Amour pour toi, mon amour heureux, ça n'était qu'un jeu. Mais le soleil de vacances ne brillait que pour moi. Je m'y suis brûlé le cœur et ma vie n'est que silence. Oh, loin de toi. Toi, rappelle-toi comment on était bien. Nous avions trouvé le grand chemin. Reviens, reviens comme aux jours heureux. Et si tu le veux, le soleil de nos vacances reviendra pour toujours. Nos cœurs l'avaient inventé, le soleil de nos vacances. Oh, c'est l'amour, oh, notre amour. Voilà donc, juste après tout simplement, Mickey Aline, voici donc les Trio Lopez. I sing out a warning, yeah.

chemin. Collectif métissé, le titre s'appelle Mariana. Battements de ton cœur te rendent toujours

seulement où nous sommes. Tant de pays comme Haïti, où l'on meurt pour la liberté. Voilà donc, c'est cette chanson-là qu'on va se quitter. Voilà donc, bien l'émission bien touche à sa fin. Pour les batteries. Voilà donc, bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en compagnie avec plusieurs mélanges de chansons différentes. Oh, une seule nation, un seul pays. Donc on va se retrouver prochainement. Quand va-t-on le réaliser? Donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver tout simplement Manuel pour l'émission Découverte. Et puis juste après lui, à partir de 19h, vous allez retrouver tout simplement Albino. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Amis, espérez mes amis, n'arrivez mes amis. Pour clair, pour foncer, se réunir, mettant la main pour avancer. Demain, tout doit avoir changé. Avant la mort, il y a la vie. Et si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi tant de guerre sous les cieux? Mon cœur est soleil, mes yeux sont pluie. Devant la misère, je dois crier. Devant la mort, je veux pleurer. Viens de loin. Pas vraiment où aller, mais vous ferez bien ce que vous voulez. Bonne fête, mes amis, mes amis, campez, mes amis, bonne marche, mes amis, marchons, mes amis, bonne balle, mes amis, bonne chance, mes amis. FM en couleur. Oh, ma da poca vi chi ta va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Oh, ma da bene un cave di I love you. Papa l'americano. Americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene un cave di I love you. ain't got no home and no place to run. I ain't got no home and no place to run. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Well, I've got a force. Ooh, ooh, ooh. Lille, 96.2. La FM en couleur. 96.2. La FM en couleur.

Ah oui. Eh ben, je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu. Je suis content d'avoir ta peau. Vieux chameau. Ah bon, mais attends-moi, tu vois. Je tiens sûr, bras ouverts, vieille canaille. C'est fait. Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille. Oui. T'as brûlé tous mes tapis, t'as même fumé dans mon lit, t'as sifflé tout mon whisky, vieux bandit. Puis, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon. Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumier. Tu as fait du baratin, tu l'as embrassé dans les coins. Et ailleurs. Et que j'avais tourné le dos. Et le chameau. Je suis parti avec elle, vieux canaille. Oui, je suis parti avec elle, vieux canaille. En apportant la vaisselle, le dessus de l'ion d'antenne. Tes cassettes, ton magnéto, vieux chameau. Comment dire, dur, etc. Ah, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Ah ah. Ouais. J'ai sorti mon fusil, et canaille. Aïe, aïe, aïe. Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai. Bon coup, pas moi. Et je t'aurai dit trois fois des vieux bandits. Mais on te mettra dans une tombe, vieille canaille, vieille, vieille, vieille, vieille canaille. Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille. Ça m'étonne pas. À coup de petite verre de vie, plus belle qu'une de ma vie, sera pour tes funérailles, vieille canaille. You're rocks and roll. sur le plage. Combien d'autres visages tout comme toi. Oublier la maison et l'enfant aux cheveux blancs que nous n'aurons pas. Soleil, je t'aime et pour tout. La FM en couleur. We'll be right back.

Essentiel 96.2. La FM en couleur.